première figure, pantalon. Il y a un présentel en main, Didier. Je vous demande, est-ce que vous êtes à ma parole, non? Alors, et puis, elle m'en a gole, tout le monde doit danser. Vous mettez les dames, là, on est mis, on danse. A des rois et les huit, croisez dans cette voie. A des rois et les dames, là, retournez le nom. Pantalon, les quatre premiers divanés. Accompagnez les dames pour la retourner le nom. Arrêtez-vous qui balancez les dames, dit. Accompagnez la reine sous la l'homme, dit. Et vos prédications pour remettre les dames chez l'anglaise. Remettant les dames là où déchaîner l'homme. Ah, bien danser, bien. Voyez pour la promenade, promener. Accompagnez les dames pour la retourner le nom. Arrêtez-vous qui balancez les dames, en dit. Derrière, accompagnez la reine sous la l'homme, dit. À la reprise, Aïman, à gauche, tout le monde va danser. Mettez les dames là, on est mis, on danse. À dégoiser les huit, croisez dans cette voie. À dégoiser les dames, à retourner le nom. Je vous demande ce que vous êtes dans la parole.